toi? Je m'entends moi. Ah ouais, ça y est. Tu m'entends? Attends, faut que je mette mon micro là. Ah si, je t'entends, ça y est. Ouais, je t'entends. Ouais, attends, je vais mettre mon micro aussi, attends. Non, je t'entends pas parce Ouais, que je tu monte, je m'entends? l'harcèle. Oxo, la paire. Ouais. Ah, c'est Tu bon. m'entends? Et voilà la latence. Si, si, moi je t'entends en tout cas. Il y en a une. Ouais. Ouais. Attends, fais voir. Oh, attends, je coupe le téléphone. Je coupe Ouais. le téléphone. Alors là, ouais, je suis aux Attends, tu limites du m'entends là? Larsen. Tu m'entends? Attends, je vais mettre mon casque. Tu m'entends là? Tu m'entends? Non. On dirait que tu m'entends pas. Tu m'entends? Attends, je vais essayer avec le casque et je t'entends plus. C'est moi qui t'entends pas alors. Ouais, non, c'est que je parlais pas parce qu'il y avait il y a un mec qui Non. était connecté aussi. Attends, je vais Si, si, changer de si, casque. De toute façon, je c'est pas celui-là t'entends, que je vais t'entends prendre. bien. Alors attends, parce que j'ai coupé là. Attends, Attends, je. là je vais remettre. Attends. Là, tu m'entends là? Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Attends, parce que là je suis changé, je me suis mis dans la pièce batterie. Tu m'entends loin? Ouais. Ah, Attends, là je je me suis mis t'entends. dans la pièce batterie, Tu alors il y m'entends? a. Tu m'entends plus là? Ouais, je C'est bon? t'entends, mais loin, je t'entends Alors loin attends, je sais pas si je passe par le micro de la. là. Ouais, je t'entends loin là. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je t'entends là. Non, mais Ouais. je l'avais Ouais. muté, mais et, Est-ce attends. que t'entends le. Ah, si, si. Est-ce que t'entends le métronome ou pas là? Pour voir Ouais, voilà. s'il y a une latence. Mais je t'entends plus parler. Eh bien, mets-le pour voir. Est-ce qu'on a le même? C'est pour voir si juste il y a de la latence. Ouais, mais là, je t'entends plus parler, quoi. M'entends? Ouais, mais c'est le micro, t'entends l'accordéon? Je parle là, tu m'entends? Hein? Là, tu m'entends pas? m'entends? Mais tu m'entends? Tu m'entends? Attends, c'est fort. Oui. Hello. Oh yeah, what am I supposed to do when I hear this trombone tromboning in my studio? Tu m'entends? Tu m'entends pas? Tu m'entends? Tu m'entends? Parce que quand je joue, c'est très fort en fait. Tu m'entends, Martin? C'est pas mixé comme il faut. Oh, oh. Je t'entends, je m'entends trop fort. Oui, oui. Je m'entends beaucoup trop fort. Si, si, si, si. Ouais. Et il y a des. Mais il y a des trucs sur le côté là. Il y a, normalement, il y a des vues. Contrôle. J'avais vu des trucs. Ouais, tu sais, il y a un petit tableau en haut là, tu peux régler ton volume là. Attends. Moi je peux régler en haut à droite. Ah oui, d'accord. Des icônes, placer les pistes à la verticale, tu vois. Ah non, ça je suis. Alors du pas coup, bon, moi j'ai ton vue-mètre, je peux te baisser par exemple. J'ai pas toutes les pistes. Et toi, tu peux me baisser aussi. Tu peux me ouais. Après le C'est rigolo. Alors, parce que t'as vu, contre, on avait pas les des pistes. invités, on avait des Tu les as invités, où on ces avait des pistes? Suédois. Eh ben, ah ouais, moi je suis pas dans le salon. Ah oui. Je suis pas, tiens, à côté du salon Ah, de ok. musique à jouer, tu as un petit, Ah, une petite d'accord, ok, c'est étiquette. ça. Et C'est marqué là. ninbot.com 2050. Tu vois pas? Attends, En haut, j'en ai qu'un en pour haut. l'instant. C'est le Là, tien alors que j'ai. normalement, tu vois? Voilà. Là, tu as Placer ton des vue maître, tu as pistes. le mien à côté. Attends, alors. Tu vois? Ouais. Moi, le Ouais. tien, enfin, tu dois avoir le tien à ta gauche. Alors attends, c'est toi que À j'ai ta là. gauche, il doit C'est bon, être le je t'ai tien. en tout Parce cas qu'en toi. haut, quand tu vas en haut, il y a marqué vos contrôles. Faut que tu cliques dessus. Tu vois? Normalement, si tu cliques sur le triangle, Ouais, exact. Oui, d'accord. le Ouais. triangle à côté de vos contrôles, normalement, tu as ton D'accord. contrôle à Vas-y, toi. là, fais voir. Du coup. Ouais, c'est toujours. Toujours un Il nous bœuf. demande si on a un FX delay. Tu m'en ressors. Toujours fort. C'est quel micro? C'est avec ton micro casque? Ah, ça allait mieux là. C'est avec ton micro casque? Je peux prendre le piano même, tu vois. Je peux prendre le piano. Moi je l'ai enlevé le métronome. Moi je l'ai enlevé. Ouais. C'est quoi, c'est trop fort? Hein? Non, non, ça va. C'est quoi, c'est trop fort? Ah non, non, ça va, c'est que je grogne. Hein? De quoi? De quoi? J'ai rien dit, moi. Ben, moi, j'ai rien dit là. C'est quelqu'un qui t'a parlé? Comment? Hein? Allô? C'est pas moi. Tu m'entends? Allô? Ouais. Je t'entends très bien. Allô, allô? J'entends tout. Oui. Tu m'entends? Allô? Allez, on y va. Ouais? Ouais? Ouais. Thank you. Qui tourne.

avance quand même, ou je sais pas. J'entends les métronomes décalés. Thank you.